nous sommes dans une ère où il y a deux, trois grands espaces, quatre grands espaces. Il y a l'espace américain du Nord, il y a l'espace chinois, l'espace indien, l'espace européen. Il y en a deux autres qui sont importants, qui sont le Brésil et la Russie. Mais si vous prenez ces grands espaces, il y en a un seul qui n'a pas de pouvoir de commandement global, c'est l'Europe. Et qui, à l'intérieur de chacun de ces commandements, a des pouvoirs incroyablement divers. Nous sommes en train de mourir de ça. On voit la réaction à la crise. Les Américains ont mis immédiatement des sommes gigantesques dans les secteurs de pointe, la Chine aussi, et nous n'avons rien fait de cohérent. Chacun a fait des petites choses chez lui. Donc, non seulement il faut, comme vous l'avez dit, casser les mécanismes de superstructure locale, dans la commission que je préside, nous avons proposé exactement la même chose pour la France, mais il faut aussi renforcer absolument, de façon urgente, les autorités européennes. Et vous disiez tout à l'heure qu'on pourrait me taxer de pessimisme. Ce qui se passe aujourd'hui, à l'heure où nous parlons en Belgique, à l'heure où nous parlons, le Premier ministre belge est en train de démissionner pour une histoire absurde, parce que les Flamands ne veulent pas laisser les francophones parler français, alors qu'ils sont 100% français, ils veulent leur imposer de parler flamand parce qu'ils sont entourés de communes flamandes, est un signe très mauvais. Parce que l'Europe est en train de se casser en morceaux face à la Chine dont vous voulez parler.